bien de la chance. Il ouvre son colis, excité, presque en transe. Déballe un peu de pile, sa dernière nouveauté. Au cinéma géant, trois fois plus grand que sa télé. Il n'est que la voiture, le bavard de métier. Le cinéma chez soi, c'est vraiment le pire. Branché sur sa chaîne 100 watts, dans le piscine est amplifié. Ça va encore faire gueuler la voisine d'à côté. On va quand même pas se priver, le progrès c'est fait pour ça. Aujourd'hui tout s'achète, même le bonheur c'est comme ça. On va quand même pas vouloir un retour en arrière. Ce serait bien le monde à l'envers. Et quand Gaspard a faim, il ouvre son frigo. C'est un debout sous papier, pré-mâché à gogo. Il est bien trop occupé pour pouvoir cuisiner. Ce serait du temps en moins pour mater la télé. Et quand Gaspard se sent seul, il s'en va consulter le top de filles les plus chouettes sur internet cité. S'imagine avec les mannequins les défilés. Bien mieux rouler, c'est sûr que ça va se dépanner. On va quand même pas se priver, le progrès c'est fait pour ça. Aujourd'hui tout s'achète, même le bonheur c'est comme ça. On va quand même pas vouloir un retour en arrière. Ce serait bien le monde à l'envers. Monsieur Gaspard est fier d'être un homme honnête. Attends avec impatience le vote par internet. De son fauteuil d'un seul clic, ce jour-là il pourra voter pour dire ce qu'il pense de ces gens qu'il ne voit pas. Monsieur Gaspard profite, c'est un homme heureux. Il est content de son sort, même s'il s'en passe un peu. Il a beau réfléchir, il n'a qu'un seul regret, de devoir encore sortir pour aller travailler. On va quand même pas se priver, le progrès c'est fait pour ça. Aujourd'hui tout s'achète, même le bonheur c'est comme ça. On va quand même pas vouloir un retour en arrière. Ce serait bien le monde à l'envers. Monsieur Gaspard a peur, il a quelques problèmes. Son palpitant s'affole et son visage est blême. Ça doit être ses pilules pour bronzer sous néon. Il devait pas être frais chez le crâne pour de bon. Monsieur Gaspard appelle, personne ne lui répond. La voisine est occupée, c'est l'heure de son feuilleton. Et dans un dernier souffle, il regarde dépité son entraîneur qui n'a pas encore eu le temps d'essayer. On va quand même pas se priver, le progrès c'était pour ça. Aujourd'hui tout s'achète, même le bonheur c'est comme ça. On va quand même pas vouloir un retour en arrière. Ce serait bien le monde à l'envers. On va quand même pas se priver, le progrès c'était pour ça. Aujourd'hui tout s'achète, même le bonheur c'est comme ça.